Les experts sur France Bleu Auxerre. Demain, notre expert vétérinaire vous répond de 9h à 9h30 sur France Bleu Auxerre. Il sera question arthrose, animaux âgés et alimentation. Comment prévenir, déceler et soulager l'arthrose de nos animaux de compagnie? Comment maintenir au mieux nos animaux âgés en bonne santé? Nourrir les chiens avec de la viande crue devient à la mode. Que penser de cette alimentation? Posez toutes vos questions demain de 9h à 9h30 à notre expert vétérinaire sur France Bleu Auxerre.